C'est le Lapinou à l'Elysée. On va la refaire en chantant juste. On va la refaire en chantant juste. C'est le Lapinou à l'Elysée. Pas juste, c'est de la merde, c'est de la merde. Don, don, don. Et c'est une musique de PD là, fichier, oh putain. Je te jure, c'est Jean Pascal. La même en chantant juste. Ce n'est pas mon métier, hein. Et c'est le Lapinou à l'Elysée. On va faire une version trash, une version interdit moins de 16 ans. Lapinou qui se fait des fistes, le Lapinou qui se fait des fistes. Version karaoké, ton Lapinou fait lui faire ce que tu veux, c'est énorme. Lapinou qui fait caca dans la salle de bain, c'est Lapinou qui bouffe ses bêtes de nez, L'autre, mais c'est plus des gros sabots qu'il a, ça. C'est deux troncs d'arbres. J'ai perdu la tête, puisque j'ai vu Suzette. Je perds la raison, chaque fois que je vois Suzon. Il me réveille, à 6h du matin, il me réveille. J'aime lire autre vidéo, ça m'excite, j'ai un beau corps. Parce qu'il fait vivre le bois, et sans bon comme autrefois. C'est un ensemble, on prend la famille, ou on le prend pas. Pour moi, la famille, c'est important. Il y a des choses que tu ne peux pas séparer, tu vois. Concentrez-vous les gars, parce qu'on va pas perdre 2 heures. Tout à l'heure, il faudra que vous fassiez les corps et tout, machin. Donc arrêtez de mater le cul de Cécile, on va avoir du coup de boule. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je jouais la tristesse, là, tu l'as peut-être pas remarqué, mais Actor Studio, deuxième année, ok? Je feignais la tristesse. J'attends remarques et critiques et farandoles. Pas l'homme qui prend la mer. Quitte à être bien ridicule, fouiller la fond. Moi, je dis quitte à se mettre une carotte dans le cul, autant mettre tout le reste avec, quoi. Moi, je t'en fais un qui va déchirer ta race. D'accord. Tu vas t'en souvenir, ok? Na. Je pense que vous venez de vous rendre compte du désastre, hein, parce qu'on s'est foutu de ma gueule pendant 10 minutes. C'est énorme. Je fais 2h30 d'émission en public et que je ressors, je parle doucement, on me dit. Ah bon, t'as plus de voix. Fais gaffe, ça revient. Tiens, on va fumer une grosse clope sous ta gueule. Commence pas à te recoiffer. Que je veux dire, ce qui est marrant, c'est que vous êtes tous foutus. Vous me faites penser à un truc. Vous me faites penser à un copain d'enfance qui s'est foutu de ma gueule quand il a vu mes cheveux tomber. Et qui, lui, a tout perdu en 6 mois. Toi, tu fais sur la longueur. Et moi, je fais... Non, mais ce qui fait que moi, je m'habitue à ce nouveau physique. Alors que lui, en 6 mois, le type, je crois qu'il aurait... il se serait pendu. On commence à vouloir donner du volume à ses cheveux. C'est fini. Calvitie quand tu nous tiens. Moi je m'en fous, j'irai faire des implants. Ça y est, je suis une pop star. Pop star, je suis une pop star. Oh putain, je suis une pop star. C'est le lavoir faire, j'ai moi qui chier dans le bain.